Divers milieux sud-coréens condamnent la politique de confrontation fratricide des autorités et réclament l'amélioration des rapports nord-sud. Le délégué permanent du Comité Sud pour l'application de la déclaration commune du 15 juin a condamné dans une conférence les autorités qui empêchent la cérémonie commune nationale du 15 juin et le délégué permanent de la direction du Cholla du Nord du Comité Sud pour l'application de la déclaration commune du 15 juin a dénoncé le 12 au meeting de marathon des vœux pour la réunification tenu à Jeonju, province du Cholla du Nord, que la grande marche pour la réunification pacifique inaugurée avec la publication de l'historique déclaration commune Sud-Nord est interrompue à cause de la politique de confrontation fratricide des autorités. Lors du tête-à-tête le 14 avec le Conseil des entrepreneurs de la zone industrielle de Kaesong et le Conseil des industriels de Kumgangsan, le délégué à l'Assemblée nationale du Parti démocrate d'Oburo a exigé de la gouvernante de prendre la mesure pour la reprise de la collaboration économique intercoréenne. Le 15, les membres des formations civiles et sociales, les industriels et divers milieux ont condamné au rassemblement pour la réunification nationale consacré au 16e anniversaire de la déclaration commune du 15 juin tenue au pavillon de Limjin de Praju, province du Gyeonggi, la politique de confrontation fratricide des autorités interdisant les échanges civils.